Donc, bonjour mes frères et sœurs, et ce matin, nous commençons le texte de l'Épître aux Hébreux, et nous allons commencer par un moment de prière, si vous voulez bien. Notre Père du ciel, nous allons voir ce matin le grand privilège que les êtres humains ont, que tu as bien voulu nous parler. Tu as bien voulu nous visiter afin de te révéler. Parce qu'aucun être humain n'aurait pu imaginer le Dieu que tu es. Nous n'aurions pas pu concevoir un tel Dieu. Quand nous te comparons avec l'invention des hommes, des dieux qu'ils ont fait, ils sont à des années-lumière de ta grandeur, de ta divinité, de ta supériorité, de ton intelligence. L'homme ne peut pas aller plus loin que sa capacité de concevoir. Mais toi, tu es au-delà de toute conception humaine. Mais tu as bien voulu nous parler pour te révéler à nous. Et quand Dieu, tu te révèles à nous, nous adorons et nous te louons. Guide-nous ce matin, au nom de Jésus. Amen. Si vous voulez bien, nous allons commencer par la lecture du texte de ce matin, chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Donc l'auteur ici nous met devant un fait. Dieu a parlé. Souvent, les gens vont nous dire que, si on savait, il n'y a personne qui était là au bord qui est venu nous parler, il n'y a personne qui est revenu d'entre les morts pour nous dire comment ça se passait. Comme si on était en manque d'informations. Mais la Bible nous dit, Dieu a parler. Et dans l'Ancien Testament, il y a au-dessus de 300 références à l'expression « ainsi parle l'Éternel ». Là, je ne parle pas de tous les synonymes qui alentourent. Mais Dieu n'a pas voulu rester caché. Il a parlé. Et l'auteur dit « à plusieurs reprises et de plusieurs manières ». Donc, pour les Hébreux, c'était pas quelque chose de nouveau, c'était dans leur culture. Dieu avait parlé dans l'Ancien Testament. Dieu avait parlé par toutes sortes de manières. Il a pris toutes sortes de façons de s'exprimer. On appelle ça des théophanies, comme le buisson ardent, comme des voix du ciel. Des fois, c'est par des anges. Des fois, c'était par des prophètes. Dieu a parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières. C'est pas nouveau. Dieu a parlé. Et l'auteur dit autrefois. Donc, quand je dis moi autrefois, ça veut dire avant moi, hein? Autrefois. Ça parle du passé. L'autrefois. Et il a parlé à qui? À nos pères. Il parle le mot père ici. Il parle des Hébreux. Il parle des Juifs. Donc, il parle pas de toutes sortes d'interventions, de révélations qui seraient venues d'ailleurs de d'autres peuples, mais il dit, Dieu a parlé de plusieurs manières, de plusieurs façons, à plusieurs reprises, à nos pères, par les prophètes. Donc, Dieu a utilisé des hommes, quelquefois des femmes, pour parler à Israël, à son peuple. Dieu voulait dire quelque chose à son peuple. Donc pour un juif, c'était rien de nouveau. Il savait ça, il comprenait ça, et c'est ce qui va être comparé ici. Tout le long de l'Épître, il va y avoir cette comparaison entre l'autrefois et maintenant. Ce qui a été dit par les prophètes n'est pas, l'auteur va démontrer, n'est pas en contradiction avec ce qui se passe maintenant, mais ce que c'est l'accomplissement de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, les prophètes ont parlé. Ils ont annoncé. Mais aujourd'hui, au verset 2, Dieu, dans ces derniers temps, maintenant, hein, autrefois, dans ces derniers temps, maintenant, lorsqu'on est, pour l'auteur qui parlait, Dieu nous a parlé encore une fois. Par le Fils. Il n'a pas parlé à tout le monde, il nous a parlé. Par le Fils. Et je crois que l'auteur ici fait référence au peuple d'Israël, qui était là à ce moment-là quand Jésus est venu. Israël a été le canal par lequel Dieu a passé pour parler. Dieu s'est révélé à Israël par les prophètes autrefois et maintenant par le Fils. Donc, si qui que ce soit que nous sommes, si nous voulons savoir ce que Dieu a dit autrefois et dans les derniers temps, nous devons faire référence à la Bible, à les écrits des Hébreux, des Juifs, et aux écrits, encore une fois, des Hébreux, du Nouveau Testament. Parce que les auteurs du Nouveau Testament étaient aussi des Juifs. En grande partie, du moins. Donc, le Fils est le dernier à nous avoir parlé et il n'y aura pas d'autres révélations. Les derniers temps, ici, c'est l'expression dans le Nouveau Testament qui parle de la dernière étape avant la fin des temps. Autrefois, maintenant et la fin des temps. Dans les derniers jours, c'est une expression aussi qui est équivalente. Donc, Dieu a parlé par le Fils. Et là, il va décrire le Fils. Il, Dieu, l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Il est héritier de toutes choses. Le mot héritier ici, c'est... Il n'est pas héritier à cause de ce qu'il a fait, mais il est héritier à cause de ce qu'il est. Moi, j'ai hérité de mes parents, non pas à cause que j'ai fait quelque chose, mais parce que je suis leur enfant. Jésus, étant le Fils de Dieu, est l'héritier de toutes choses. De par sa nature, égal au Père, de par sa nature divine, étant Fils de Dieu, il est l'héritier de toutes choses. Et toute chose a été faite par lui. Et par lui, il a aussi créé l'univers. Tout ce qui a été créé par le Fils. Il n'y a rien, l'apôtre Jean a dit, il n'y a rien qui a été créé qui n'a pas été créé par lui. Et tout ce qui a été créé par lui. Donc, Jésus, le Fils et le Père sont en dehors de la création. Ils ne peuvent pas s'être auto-créés. Ils ont toujours été là. Ils ont créé toute chose. Et au verset 3, il dit que le Fils est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Donc, si je regarde une empreinte, j'ai l'image de mon doigt. Hein, si c'est une empreinte digitale, j'ai l'image de mon doigt. Si c'est une empreinte de pied, ben j'ai une image de mon pied. L'empreinte reflète exactement mon pied. Et ici, le reflet de la gloire, c'est-à-dire que c'est comme un miroir. Si je me regarde dans un miroir, je me vois. Si je regarde Jésus-Christ, je vois la gloire de Dieu. Si je regarde Jésus-Christ, je vois Dieu. C'est pour ça qu'il dit à Philippe, comme vous le savez. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Et il n'a pas juste créé. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il, c'est Jésus-Christ, il soutient tout ce qu'il a créé. Il n'est pas, il n'a pas créé puis partir, mais il a créé et maintenant il s'en occupe. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la purification des péchés. Et là, il parle de son incarnation. Hein? Il a fait la purification des péchés. Et ensuite, il parle de son glorification. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Jésus, de par sa nature, est au-dessus de tout ce qui a été créé. De par sa nature, il est au-dessus de tout, autant dans le monde visible que dans le monde invisible. Parce qu'on va voir, il est en train d'introduire le fait que Jésus est au-dessus ou supérieur à tous les anges. Parce que les anges sont des créatures. Les anges ne sont pas héritiers de toutes choses. Les anges ne sont pas des créateurs. Les anges ne sont pas l'empreinte et le reflet de la gloire de Dieu. Les anges ne soutiennent rien par leurs paroles. Les anges n'ont pas fait la purification des péchés. Ils ne sont pas assis à la droite de Dieu. C'est pour ça qu'il dit au verset 4, il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. À quoi fait-il allusion? Il est devenu d'autant supérieur aux anges. C'est comme s'il n'aurait pas été, puis là, il est devenu. Nous allons voir la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, mais demain, du verset 4, il va revenir sur cette vérité-là pendant deux chapitres. Je crois que l'auteur ici fait référence à son retour dans le ciel. Il a créé tout le monde, il a soutenu toutes choses, il est descendu sur cette terre, il a fait la purification des péchés, il est assis à la droite de Dieu. Et quand il est revenu dans le ciel, il s'est assis à la droite de Dieu. Et Dieu va faire des déclarations à son sujet. Il va déclarer des choses. À partir du verset 4 jusqu'au verset 14, il va dire des choses au Fils, quand le Fils revient de son séjour sur la terre pour avoir fait la purification des péchés, il va dire des choses qu'il n'a jamais dit et qu'il ne dira jamais à des anges. Donc, si Dieu a parlé par des prophètes, autrefois, et que maintenant il parle par le Fils. Ça ne peut pas être moins important ce qu'il y a à dire. Ça ne peut pas être inférieur ce qu'il y a à dire. Si on donne plus d'importance aux paroles des prophètes, et qu'on rejette ce que Jésus a dit ou a fait, on est dans une mauvaise position. Une position de condamnation et de perdition. Dieu nous a parlé. par les prophètes de l'ancienne alliance. Et il nous a parlé quand le Fils est venu sur la terre pour faire la purification des péchés. Il nous a parlé par le Fils. Ce Fils qui est le créateur de toutes choses, ce Fils qui est héritier de toutes choses, ce Fils qui est l'empreinte et le reflet de la gloire de Dieu, ce Fils qui soutient toutes choses qu'il a créées dans l'univers. Plus le messager est grand, plus le message est important. C'est pour ça qu'il y a une histoire que Jésus avait dit, qu'il avait envoyé beaucoup de serviteurs pour amener un message au vigneron de sa vigne. Il dit, mais finalement, je vais envoyer mon fils et ils l'écouteront parce que le fils était un messager beaucoup plus important qu'un serviteur. Donc, Dieu nous a parlé par le fils et nous devons l'écouter. C'est à plusieurs reprises. Pendant que Jésus était sur la terre, Dieu a parlé du haut du ciel et dit, « Voici mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. » Jésus a dit à d'autres pays, « Je vous amène les paroles de Dieu. Je vous dis ce que j'ai entendu de mon Père. » Il a parlé par le Fils. C'est Dieu. Dieu nous a parlé par le Fils, parce que le Fils est la parole de Dieu. Il est d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Pas qu'il ne l'était pas. Comme je l'ai dit, il l'était, toujours été supérieur à sa création. Le Fils a créé toutes choses, donc il est supérieur à ce qu'il a créé. Il a créé les anges. Mais il est devenu d'autant supérieur quand il est revenu. Parce que je crois qu'il fait allusion jusqu'à certains points que Jésus-Christ a agi ici, envoyé par le Père, comme Dieu avait envoyé des anges pour amener des messages aux hommes, Dieu a envoyé des messages. Le Fils aussi parlait. Mais il est d'autant plus supérieur que les autres, juste par le fait de ce que le Père a dit de lui quand il est revenu, après avoir parlé aux hommes. Nous allons voir ça, si vous voulez bien, demain. Notre Père du ciel, merci de nous avoir fait le privilège de nous avoir parlé. Tu nous as parlé. Tu n'as pas resté silencieux après la chute, après la rébellion, après l'affront que nous avons fait. Tu n'as pas cessé de parler, malgré que on a fait mourir les prophètes, on a rejeté ceux que tu as envoyés. Tu n'as pas cessé de parler. Tu as même tellement voulu nous dire que tu as envoyé ton Fils nous parler. Le Fils créateur, le Fils pourvoyeur, le Fils qui est l'empreinte de ta gloire et de ta majesté. Tu nous as parlé par lui. Seigneur, c'est lui que nous voulons écouter. Qu'a-t-il dit? Qu'a-t-il fait? Nous voulons, Seigneur, le connaître. Parce que c'est toi qui l'as envoyé. Et nous voulons nous attacher à ses paroles. Parce qu'il a mis les paroles de Dieu. Que ton nom soit loué en nous et par nous. Amen.